de fées en français. Le prince reconnaissant. Les forêts sont des lieux enchanteurs et paisibles, avec des histoires et des créatures, avec des secrets profonds et sombres. Au centre d'une de ces forêts, un roi s'était écarté de son chemin habituel. Errant dans la forêt, il craignait de ne jamais pouvoir s'en sortir. Jusqu'à ce moment-là, il rencontra un homme étrange. Son dos était courbé, il tenait un bâton pour se tenir debout et sa barbe allait jusqu'au sol. Qui es-tu? Que fais-tu ici dans ma forêt? Êtes-vous perdu, paysan? Oh, je ne suis pas paysan. Je suis le roi de ces terres. Ces forêts sont à moi. Mais oui, je suis perdu. Pourriez-vous m'aider? Ah! Vous êtes le roi! Alors tant mieux pour vous. Eh bien, mon roi, ces forêts sont les miennes. Et je suis le seul à connaître le chemin à suivre. Je peux vous montrer le chemin si vous voulez. Mais je voudrais quelque chose en retour. Le comportement du vieil homme a surpris le roi. Mais il devait rentrer chez lui. Il avait besoin d'être avec sa femme et son nouveau-né. Que voudriez-vous en retour? Donnez-moi votre prix. En fait, je n'ai besoin de rien. Est-ce que j'ai l'air d'être dans le besoin? Non, vous devez me promettre que lorsque je m'assurerai que vous atteignez les portes de votre royaume, la première chose qui en sortira en premier, vous me la donnerez. Je vais vous donner un jour. Promettez-moi que ce qui sortira en premier sera à moi pour toujours. Ça pourrait être n'importe quoi qui sortirait du château. Le roi songea en lui-même. Et rapidement, il se dit qu'il avait erré trop longtemps en forêt. Tout le monde devait s'inquiéter à son propos. Il prit une décision. Il serra la main du vieil homme en acceptant son offre. À le suivre dans la forêt, le roi était parfois amusé et agréablement surpris par la rapidité et la souplesse du vieil homme. Il le conduirait à travers des lacs et des espaces minuscules, mais avançait très facilement. À la fin, le vieil homme était resté fidèle à sa parole en s'assurant que le roi rentre bien chez lui. Vous souvenez-vous de votre promesse, mon roi? Le roi a été accueilli avec des fleurs et des cris. Les gens étaient ravis de le voir en un seul morceau. Mais une personne pleurait de joie. Sa reine. Avant que le roi ne puisse dire quoi que ce soit, elle se précipita vers lui avec leur fils aîné dans ses bras. Elle franchit les portes, devenant la première chose que le vieil homme put voir. Lorsqu'il vit l'enfant, le vieil homme sourit. Le roi se retourna et le regarda alors qu'il marchait dans la forêt. « Mon roi, vous avez l'air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui vous trouble. N'êtes-vous pas content d'être à la maison ?»« Eh bien, ce n'est pas tout à fait la vérité. Il est vrai que je suis content d'être à la maison avec ma femme et mon fils. Mais j'ai bien peur d'avoir fait une grave erreur, ma chérie. » Le roi raconta tout à sa reine, tout. Chaque petit détail qu'elle ignorait. La reine fut choquée par l'histoire. Et tous deux se demandèrent ce qu'ils allaient faire maintenant. Je crois que j'ai peut-être une idée. Le roi réunit ses ministres et leur demanda s'il y avait des enfants nés le même jour que son fils. Ils confirmèrent qu'une petite fille était née d'un couple de paysans la même nuit que le prince. Le roi convoqua le couple et leur bébé dans ses appartements. Mon roi, vous nous avez appelés. Comment un homme humble comme moi peut-il vous être utile? Mon cher monsieur, votre roi vous demande une grande faveur. Une faveur qu'il vous sera difficile de m'accorder, mais en retour, je vous récompenserai grandement de votre sacrifice pour votre royaume. Le roi parla au paysan, lui expliquant tout. Sachant que ce serait une décision difficile à prendre, Il demanda au paysan que sa fille nouveau-née prît la place de son fils pour suivre le vieil homme. Le roi promit de prendre soin du couple de paysans pour toujours s'il faisait ce sacrifice. Le lendemain matin, le vieil homme se tenait à la lisière de la forêt, en attendant que le roi arrive. Quelque temps était passé, et puis les portes s'ouvrirent. Le roi s'avança à cheval vers le vieillard, qui le regardait avec colère. Il descendit de son grand cheval, et dans un petit panier recouvert de drap blanc, il livra le petit bébé en pleurs au vieil homme. Le vieil homme avait un sourire diabolique, ravi d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Tenant le panier dans ses bras, il entra dans la forêt en boitant et emmena la petite fille. Le roi pouvait simplement regarder, alors que les deux disparaissaient dans la forêt. Des années plus tard, le prince avait grandi. Il était gentil, intelligent et utile pour tout le monde autour de lui. Cela me fait tellement plaisir de voir le royaume que mon père a construit. Les gens sont si heureux. Ils ont de la nourriture à manger et un moyen de subsistance pour vivre. Que pourrait vouloir de plus un roi? Tandis que le prince marchait joyeusement dans les rues, la femme du paysan le regarda de loin. Elle regarda son mari qui secoua la tête. Mais comme il se retournait, elle courut vers le prince, debout devant lui, bloquant son chemin. Vous ne me connaissez pas, mon prince, mais je dois vous dire ceci. Oui, le roi est un homme bon. Il a pris soin de son royaume. Mais à quel prix? Le vôtre? Non, au nôtre. Posez-lui des questions sur mon enfant. Oui, sur ma fille. Le prince était inquiet. Il ne savait pas de quoi la femme parlait. À la table le soir, le prince interrogea ses parents sur ce qui s'était passé. Sois honnête avec moi, mon père. Est-ce que cette femme mentait? Ou y a-t-il autre chose à savoir dans cette histoire? Le roi révéla tout. Sur le voyage dans la forêt, sur le vieil homme, une promesse et un sacrifice pour la gloire du royaume. Je dois la trouver! Ce n'est qu'à cause de son sacrifice que je suis ici aujourd'hui. Je ne pourrai pas être prince ou roi tant qu'elle ne sera pas libre. Je vais soit la ramener, soit prendre sa place. Est-ce que vous m'avez compris? Père et mère? Tu dois faire ce que tu penses être juste, tout comme je l'ai fait moi-même. Puis, le lendemain matin, il s'habilla comme un roturier pour cacher son identité, prenant avec lui une boîte de graines. Ainsi, s'il se perdait dans la forêt, il pourrait retrouver le chemin de son domicile. Une fois encore, tout comme son père, le prince erra dans la forêt sans fin. Le prince erra pendant quelques jours. Fatigué après quelques jours, il dormit dans la forêt. En pleine nuit, il fut réveillé par un gros bâton. Hey, c'est ma forêt! Comment oses-tu y dormir sans ma permission? Qui penses-tu être? De sang royal? Réveille-toi, misérable! Le prince se réveilla, à la fois effrayé et heureux de voir le vieil homme. Le vieil homme ne semblait pas avoir changé. Il marchait mollement et avait l'air grincheux. Je suis désolé, monsieur, mais j'ai surtout besoin d'un travail. J'ai vraiment très faim. Si vous pouviez trouver dans votre cœur l'envie de me donner de la nourriture et du travail pendant quelques jours, je vous en serais très reconnaissant. Vous semblez être un homme gentil et généreux. Le vieil homme n'avait pas l'air gentil ni généreux. Non, pas du tout. Mais il réalisa que ce garçon pourrait lui être utile. Oui, tu pourrais m'être utile. Tu devras suivre mes règles et tu seras nourri et pris en charge. Mais enfreins l'une de ces règles et je te le ferai payer. Est-ce que c'est compris? Le vieil homme utilisa la magie pour aveugler le prince et le guida à travers la forêt. Le prince se souvint cependant de laisser tomber les graines. Le vieil homme allait apprécier encore une fois les petits accidents. Le prince tomba dans le lac, se cogna la tête contre un arbre. Tant de petits accidents dont le vieil homme se réjouissait. Finalement, ils atteignirent la maison du vieil homme. C'est ici que tu vas dormir. Tu ne parleras à personne et ne poseras aucune question. Tu feras ce qu'on te dira, d'accord? Le dîner sera à l'intérieur et demain, tu commenceras ton travail. Le prince accepta, tandis que le vieil homme s'éloignait. Déposant son sac, il était inquiet de savoir comment les choses allaient se passer. Les heures avaient passé jusqu'à l'heure du dîner. Le prince était endormi alors qu'une petite fille marchait vers lui. Elle le poussa deux fois, puis trois fois. Finalement, elle lui mit un coup de pied. Il est temps de se réveiller, le dormeur. Il y a de la nourriture à manger. Tu auras beaucoup de travail à faire demain, tu sais. Le vieil homme ne te laissera plus jamais te reposer. Tu ferais mieux de manger. Ensemble, ils allèrent à l'intérieur. Le prince sut dans son cœur que c'était la fille. Celle qu'il était venu chercher. Il l'avait retrouvée. Ils s'assirent ensemble à la table du dîner. La fille allait et venait de la cuisine en leur servant la nourriture. Le prince ne pouvait pas arrêter de la regarder. Au matin, le vieil homme donna au prince de nombreuses tâches à accomplir. Cueillir des fruits sur l'arbre le plus élevé, puiser de l'eau dans le lac, nettoyer les pieds du troll et brosser les dents du vieillard. Le prince devait tout faire. Pendant tout ce temps, la fille le regarda, inquiète et fière, avec un sourire sur son visage. Et finalement, le prince se vit confier une tâche difficile. On lui demanda d'aller dans le champ de foin et de couper suffisamment de foin pour nourrir les chevaux pendant une semaine. Sinon, il ne recevrait pas de nourriture pendant 3 jours. Que t'a-t-il demandé de faire? Il veut que je coupe tout ce foin en une seule journée. Comment puis-je faire ça? Oh, malheureux! Écoute ce que j'ai à te dire. C'est ton seul moyen de t'en sortir. Ainsi, le prince amena 2 chevaux de l'écurie au champ de foin. Il coupa plusieurs petites grappes de foin en les tenant devant les chevaux. Il les attacha ensemble et commença à traverser le champ de foin, une grande faux à la main. À sa grande joie, le plan fonctionna. À la fin de la journée, tout le foin sur le champ avait été coupé. Le garçon s'assit sur le cheval fatigué et les nourrit alors qu'il marchait lentement vers la maison du vieil homme. La fille sourit en le voyant. Le vieil homme sembla contrarié. Puis, le lendemain matin... J'ai quelque chose d'autre pour toi. Ceci est ma plus belle vache noire. Tu devras la traire. Mon stock de lait a diminué. Tu devras la vider de chaque goutte de lait pour que je n'aie plus jamais faim. La vider de tout son lait en une seule journée? Mais comment est-ce possible? Oui. Et ne rentre pas à la maison si tu n'es pas capable d'accomplir cette tâche. Le prince essaya plusieurs fois, se faisant frapper à plusieurs reprises par la vache. Finalement, il s'assit et abandonna. Il attendit la fille, espérant qu'elle se présenterait et le sauverait. Mais que ferais-tu sans moi? La fille aida le prince à nouveau, l'aidant à réchauffer ses mains. Le prince devait avoir les mains chaudes pour traire la vache. Elle commença à répondre favorablement. Des seaux étaient remplis de lait de la vache noire. La fille souhaita bonne chance au prince et le laissa faire le reste. À la fin de la journée, 20 seaux de lait étaient pleins. Assez pour durer longtemps au vieil homme. Le vieil homme arriva voyant un prince souriant, buvant un verre de lait. Il leva le verre. Le vieil homme avait l'air furieux. Quitte ma maison! Je sais bien que tu as enfreint mes règles. Ces tâches ont été conçues pour toi seul. tu as demandé son aide. Je ne supporterai pas d'être trompé une seconde de plus. Hors de ma vue. C'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qu'il faut punir, pas lui. Le sorcier, maintenant sous sa vraie forme, emprisonna le troll. Il demanda au garçon de quitter sa maison au matin et de ne jamais revenir. Prise son bâton, c'est là que réside son pouvoir. Je n'en peux plus d'être ici. Je veux voir le monde. Il nous a mis en cage, le troll et moi. Prise le bâton. Le prince regarda le troll triste et prit son courage à deux mains. Il savait ce qu'il avait à faire. Il aimait cette fille et ne pouvait pas la laisser là. Il laissa tomber son sac, ramassa une hache à proximité, il libéra le troll et ensemble, ils entrèrent par la fenêtre que la fille avait laissée ouverte à la recherche du vieil homme. En marchant sans faire de bruit, ils atteignirent la plus grande pièce de la maison. À l'intérieur, ils trouvèrent le sorcier réveillé, tenant les mains de la fille en riant. Vous pensiez pouvoir me vaincre ? Me duper ! Aucune chance, mon garçon ! Mais le prince n'avait pas peur. Ensemble, le troll et lui coururent vers le magicien, lui donnant deux cibles à frapper et rendant la tâche difficile. La démarche fonctionna. Alors que le troll fut touché, le prince repoussa le sorcier et attrapa le bâton, libérant la fille qui courut à côté du troll. Ah ! Comme ça, vous ne ferez plus jamais de mal à personne ! Lorsque le bâton magique fut brisé, le vieil homme tomba au sol, devenant gris et vieux à nouveau, levant les mains en l'air, demandant grâce et pitié. Nous quittons cet endroit. Vous ne ferez plus de mal à personne. Plus aucune promesse à tenir. Plus aucune de vos tâches à accomplir. Je suis votre prince. Vous allez m'obéir. Nous quittons cet endroit. Et que je ne vous revoie plus jamais. En quittant la maison du vieillard, ils trouvèrent la traînée de graines que le prince avait laissée. Ces graines étaient devenues une traînée de roses. En se tenant par la main, ils se dirigèrent vers le royaume, avec le troll à la traîne, bien sûr. Le prince présenta la fille à ses parents et au roi, ainsi qu'à la reine. Il y avait de la joie dans le royaume et de l'amour dans les cœurs de tous. Elle sera ma reine. Elle est brave et intelligente, courageuse et belle. Je ne peux rien demander de plus. Et ils vécurent heureux très longtemps.